Les échangeurs d'air. Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air. Vous êtes bien sûr à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Ici Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Au menu ce soir, des musiques des années 60 et 70 de pop sucré et mélodique et des trucs plus récents. Et on fera un petit hommage au grand Pharoah Sanders qui est décédé la semaine dernière. Ce soir, on débute avec This Strange Effect, une pièce écrite par Ray Davies du groupe The Kings, mais interprétée ici par Dave Berry, un chanteur pop britannique de l'époque. Alors, bonne soirée à notre antenne. Got it. nous nous sommes dit tout. Nous nous sommes dit vous. Nous nous sommes foutus sur la gueule tant de fois. Et moi, dans mon émoi, je nous voyais foutus. Tu as abattu. Tes as et tes atouts. Mais j'étais prête à tout. Par avance battue. Je te disais, tue-moi. Tue-moi si tu es un homme. Tu n'es qu'une pauvre pomme. Car tu n'as jamais pu. êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce premier bloc l'excellente interprétation de la pièce de Françoise Hardy, composée en 1963, Le premier bonheur du jour, interprétée ici par le groupe brésilien Os Mutantes. C'est extrait de leur premier album Os Mutantes, un album qui est paru en 1968. Le groupe Os Mutantes était un des groupes phares du mouvement de tropicalisme brésilien. Ça a été précédé par une chanson de Serge Gainsbourg, Vie, mort et résurrection d'un amour-passion, interprétée par Jane Birkin. C'est extrait de son album Ex-Fan des 60s, un excellent disque qui est paru en 1978. Juste avant, vous avez entendu Chanson d'eau, composée et fredonnée ici par Françoise Hardy. C'est extrait de son album de 1971, La question. Et on a débuté ce segment avec la pièce This Strange Effect, pièce de 1965 composée par Ray Davies du groupe The Kinks, mais interprétée et popularisée aussi à l'époque par le chanteur pop britannique Dave Berry. C'est extrait d'une compilation de 2015 qui s'intitule The Collection. On poursuit avec Marianne Faithfull. Winter's almost gone, oh how I've waited so long for summer nights. When there's magic in the air and I don't ever care, all that matters to me is that you are here on summer nights. There's a little cafe where we can hear music play. They keep the lights turned on low. Where all this go? You'll hold me tight and say our love will always be this way on summer nights. At the end. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer. And my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh,

Mr. Sand, stay a while. Summer is here, you've made me smile. When your rays come to me, feel warm inside. Stay with me, Mr. Sun. You have way of putting me into a daze. When you shine turns into gold. Stay with me. When your rays kiss my hand, oh, my heart sighs all alone on the sun. I'll close my eyes, Mr. Sun. You're so far, please help me find my wishing star. Only you understand à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Alors, vous avez entendu dans le dernier bloc Mr. Sun, une pièce de Brigitte Bardot, c'est extrait de son album Le Brigitte Bardot Show, un album qui est paru en 1968. Ça a été précédé par une pièce de Serge Gainsbourg, Sous le soleil exactement, interprétée par Anna Karina. C'est extrait de la bande originale du film de Pierre Koralnik, Anna, un film paru en 1967. Ça a été précédé par Summer Wine, une pièce composée par Lee Hazlewood, interprétée ici par Nancy Sinatra et Lee Hazlewood. C'est extrait de l'album Nancy and Lee, un album qui est paru en 1968. On a débuté ce segment avec la pièce Summer Nights par Marianne Faithfull. C'est extrait de son album Go Away From My World, un album qui est paru en 1965. Après la pause, The Free Design. Ask the government, tell it to the cows in the barn. blade of grass in one boy's eye, and a pain that'll make you glad you're dying. Hands that dribbled a basketball, voice that sang out of tune, love that ended too soon, a nose that bled for better reasons. Then went away for the last time. It wasn't so easy, words were hard to find. And the cows in the barn, food was milk and time. It was milk and time, but he was so far away. We'll be right back. voices, a pathway of wandering, crying humanity. Ugly beauty, earthly duty, is their retribution. The empty faces of times and places, a pathway of wandering, crying humanity. Ugly beauty, earthly duty, is their retribution. The empty faces of times and places, the poor oyster. an oyster has to stay inside, and the flying fish must flee all the time. Ula, ula, ula, ula, ula la, ula la, ula, ula, ula la, ula. Turn to go away. The flying fish was heard to say, if I could find a place to stay, I know I would be happy. Yes, I would. Ula, ula, ula, ula, ula, la, la, la, la, la, la. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Alors, vous avez entendu dans le dernier segment The Oyster and the Flying Fish de Kevin Ayers, interprété ici par Kevin Ayers et Bridget St. John. Cet extrait de l'album Shooting at the Moon, un album qui est paru en 1970. Ça a été précédé par In the Past, du groupe américain originaire d'Orlando en Floride, We the People. C'est extrait d'un 45 tours St. John's Shop qui est paru en 1967. Juste avant, vous avez entendu Barbaric Classical Solemn du groupe américain The National Gallery. C'est extrait de l'album Performing Musical Interpretations of the Painting of Paul Klee, un album qui est paru en 1968. Ça a été précédé par Zotto, qui s'écrit Z-Z-O-T-T-O, du groupe californien féminin de Daisy Chain. C'est extrait de l'album Straight or Lame, un album qui est paru en 1967. Et on a débuté le segment avec An Elegy du groupe américain The Free Design. C'est extrait de l'album You Could Be Born Again, un album qui est paru en 1968. On poursuit avec Conchita Velasco. Imposible de aguantar. Qué calor, qué calor. La ropa llega a molestar. Qué calor, qué calor. Qué lindo debe estar el mar. Qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar. Qué calor, qué calor. Qué calor en la ciudad. Qué calor, qué calor. El viento no quiere soplar. Qué calor, qué calor. Las calles llegan. Y por la playa caminar. Thank you. êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous venez d'entendre Zoom de Francis Lai. C'est extrait de la bande originale du film de Claude Lelouch, Vivre pour vivre, qui est paru en 1967. Ça a été précédé par The Fantastic Plastic Machine par Harry Betts. C'est extrait du documentaire paru en 1969, Fantastic Plastic Machine, un documentaire consacré à la planche de surf. Juste avant, vous avez entendu le thème de l'émission Joe 90, une émission britannique diffusée dans les années 60 avec des marionnettes, et on disait que c'était en Super Mario Nation. C'est composé et interprété par Barry Gray et le Barry Gray Orchestra. C'est extrait d'une compilation This is Cold Fiction Royale, une compilation parue en 1997. Ça a été précédé par le thème du film Beat Girl, composé par John Barry, interprété ici par le John Barry Orchestra. C'est extrait d'une compilation John Barry, The Best of the EMI Years, une compilation parue en 1999. Et on a débuté le bloc avec Color, de la chanteuse espagnole Conchita Velasco. C'est extrait d'une compilation Beat Girls Espagnol, 1960 She Pop from Spain, une compilation qui est parue en 2018. Après la pause, le groupe Spain. Thank you. Close my eyes till I see your surprise and your leave. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 à Québec et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce dernier bloc Allah du groupe américain Maisie Star. C'est extrait de leur premier album She Hangs Brightly, un album qui est paru en 1991. Ça a été précédé par Superstar, une pièce du groupe The Carpenters, interprétée ici par le groupe Sonic Youth. C'est extrait de la compilation If I Were a Carpenter, une compilation parue en 1994. Et on a débuté le bloc avec une version inédite de 1994 de la pièce Her Used to Bean du groupe de Los Angeles, Spain. C'est extrait de l'album World of Blue, un album qui vient de paraître et qui contient justement des versions inédites et remixées de leur album World of Blue de 1996. On poursuit avec Poulet numéro 728-120 du chanteur Catherine. De céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré le poulet. Mon poulet numéro 728-120. Je t'aime, je pense à toi. Thank you.

Thank you. êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Vous venez d'entendre dans le dernier bloc notre hommage au grand Pharoah Sanders, musicien de jazz américain de son vrai nom Pharrell Sanders. Pharoah Sanders est né le 13 octobre 1940 à Little Rock, en Arkansas, et est décédé le 24 septembre dernier à Los Angeles. Il s'installe à New York en 1962 et reçoit le surnom de Pharoah par les membres de l'orchestra de Sonora. Il joue avec John Coltrane, avec qui il commence à expérimenter et créer le free jazz. C'est aussi un des inventeurs de l'ethno-jazz. Donc vous avez entendu dans le dernier bloc Village of the Pharoah Part 1 de Pharoah Sanders. C'est extrait de l'album Village of the Pharoah, un album qui est paru en 1973. Ça a été précédé par Love is Everywhere, de l'album Wisdom Through Music, un album aussi paru en 1973. Juste avant, vous avez entendu la pièce Tembi de l'album Tembi, qui est paru en 1971. Et on a débuté le bloc avec Japan, une pièce de l'album Tawhid, un album paru en 1967. Alors c'est tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce soir. Vous êtes ici en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à la semaine prochaine.